Chapitre 5e. 2 ans après, les filles de M. Camberwell avaient épousé d'honorables commerçants. Le vieillard, tourmenté de violentes attaques de gouttes, avait été installé dans une maison de campagne, près de Windsor, par William, qui partageait son temps entre son père et l'étude. Vers cette époque, on reçut une nouvelle lettre de George. Cette lettre se terminait ainsi. « Tout va bien. À force de travail et de zèle, j'ai acquis l'estime de mes chefs. Je viens d'être nommé sous-lieutenant. Ainsi, l'exemple de dévouement donné par vous, William, n'a pas été perdu pour votre frère. » Ainsi s'achève William Camberwell par Alfred des Essarts.